Test. On entend là? Ouais. Alors c'est parti. Bienvenue sur le parking de la Fonderie. Pour cette soirée encore heureux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu de la musique sur un parking. Send me up a drink.

strange. My mind is tinted with the colors of madness. They fight in silent fury in the effort to possess each other. I'm strange. I have approached a degree of love that is so unwise. In one world that it is wisdom in another. I'm strange. I no longer have respect for hate. For I'm stronger than hate. I'm contemptuous of both those who hate and those who destroy. I am not a part of the world which hates and the world which destroys. I want a better world, and not only do I want a better world, I seek to live a better life, that I might have the right to be a part of a better world. If I hate and destroy, I have no right to speak of love. Love is greater than hate, and I have chosen love above all else in the world. I am strange. I know a secret truth. I have a secret rendezvous. The wind touches against my window pane. Be it says, come with me. We'll be right back. n'a point un goût, bon, le rhum n'a point un goût. Kaloubadia vient, vient du ciel point, Nina donne mon gorge, Nina donne mon rein. Kaloubadia vient, vient du giga moins, Kaloubadia vient, Kaloubadia vient. Kaloubadia bien, bien dig dig à moi, Kaloubadia bien, Kaloubadia bien. We'll be right back. Thank you.

T'as pas entendu un truc bizarre? Si. Qu'est-ce que c'est? C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis, s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. Ah. La la la la. La la la la la la. La la la la. La la la la. La la la la la la la. Dis donc. La la la la la. Tu sens pas le brûlé? Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion. Oui. Et l'agitation moléculaire due à cette explosion... La quoi? L'agitation moléculaire. Ah ouais. Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes. Ouais, ouais. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Ah. Tu comprends? Ouais, ouais. La la la la la la. Mais la, alors... La la. Mais... La la la la. La la la la la la la la. Qu'est-ce que tu voulais? La la la la la. Non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça? Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends? Oui. C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs. Ouais. Alors le feu s'empare très facilement des matières. Ouais. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. Ah, un c'est incendie. Normal. Ouais, ouais, ouais. Ouais. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sens pas hein? Comme si on commençait à tomber là, un écoute, peu. Écoute, oui. Essaie de comprendre, c'est très simple. Oui. Tu te souviens la combustion? Ouais. La destruction de l'immeuble par les flammes? Oui. Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien. Ouais. Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Mais alors, on va tomber. La la la. Du quatrième étage. C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La. D'accord. La la la la la la la la la la la la la la la la. Mais je pense à un truc. Ouais. On va pas mourir dans une minute. Brigitte, tu es fatigante. Pardon. Non, ouais. On est en train de tomber. Oui. Or, tout corps tombe à une vitesse définie. Oui. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc, ouais. Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends? Ouais. Coupez les mains. Vous ne tuerez pas la musique? Parce que l'homme n'avait pas prévu, voulu ou pu, connu ou su. Parce que l'homme a trop attendu, ou peut-être tout bonnement, parce qu'il l'a parfaitement voulu et eu. si tant est que c'est l'homme qui veut. La logique de Borisme, c'est l'écorchure qui s'infecte, le microbe qui se délecte quand se rengorge le furoncle. C'est la fissure qui rigole et la rigole qui se fend la gueule. C'est la chaussure qui prend l'eau, c'est la peinture qui s'écaille. La moisissure prend ses ailes. La logique de pourrissement. C'est la chemise qui se fait la malle, la redingote qui est en crise, d'avoir été par trop porté, souillé, lavé et empesé. Et la couture n'en peut plus, la crisserie de la reprise. Un petit point de chaîne à droite, un petit point de croix à gauche, un petit point arrière devant, un petit point devant derrière. La logique de pourrissement. C'est la centrale qui pisse la mort et la rivière qui a mal au froid. C'est la crevette qui rend l'âme et l'arbre à pain qui a le blues. C'est l'eau de coco en berlingot, c'est pour bientôt, je vous le dis. C'est la corde de la mer igname qui étrangle la mer igname même. La logique de pourrissement, c'est quand débarquent les macros avec leurs mines de sex shop. On vend du sable au marché blanc pour poser en mal de mélanine. Et quand nos plages font le trottoir sous leur licence de maison close, nos enfants nus ne peuvent plus leur faire l'amour au grand soleil. La logique de pourrissement. La logique de pourrissement. Ce sont les arbres qui s'emmurent dans une névrose de béton. Les oiseaux glissent à la dérive, les flics engraissent leurs papillons. Les PV jouent aux feuilles mortes, les voitures valsent à l'appel. La fourrière rêve de cimetière, la chaussée souffre de corps aux pieds. La ville a mal aux entournures. La logique du pourrissement. C'est le bébé qu'on s'est payé dans la boutique du père Freddy. Il fait la loi dans la maison, il fait caca ou qu'on lui chante, même dans le crâne des petits. On ne se parle plus quand il jacasse, on ne s'entend plus quand on se parle. Avec sa tête rectangulaire, c'est le portrait de son papa. Il a la bouche en sucre d'orge, il fait risette et c'est tout rose. Il a les yeux bardés de guerre et injectés d'apocalypse. Il passe pourtant de temps en temps un oiseau bleu en son iris. La logique du pourrissement. C'est quand s'encombre le sinus que la conserve en a ras-le-bol. Le fer blanc gonfle puis se mouche et les décombres qui s'amoncellent ont des dégaines de gratte-ciel. Tel un grand rire au bord d'un gouffre, un matouba d'éclat de gorge. Et comme un corps mourant blessé, le rire s'élance en vol plané et fouille une gueule de volcan pour assouvir sa démesure. La logique du pourrissement. C'est un destin que l'on marchande dans un pays qui marche à l'os. Une terre du sud qui perd son or, un champ d'amour qu'on hypothèque. Ce sont deux sœurs qui se déchirent dans un asile à ciel ouvert. L'espoir trimballe au bout de poisse. La lune rumine ses angoisses, les mots ont l'éléphant qui assiste. La rhétorique traîne la jambe et la psy se fait trompeur quand les neurones se font de la bile. On vend de la foi à tour de bras et les gourous ont le bras long. On brade la joie à coups de banque, on paie des gangs pour tuer le temps dans les agences du Nirvana. Le Père Noël s'informatise et la culture se macoutise. Les jeunes chevauchent dans leur ghetto, le paradis de la défonce. Le diable solde ses miroirs, Vaval refuse de mourir et la folie pétrit ses joues tandis qu'elle siffle un air de cendre. C'est dans le swing de cette logique. entendu tout au fond de la nuit d'une petite rue de la ville endormie. Moi j'ai le cœur qui jazz, j'ai le cœur qui jazz, qui jazz, qui jazz, qui jazz, qui jazz. Et pour le grand éclair d'un orchestre dans aucun soleil. Moi j'ai le cœur qui jazz, j'ai le cœur qui jazz, qui jazz, qui jazz, qui jazz, qui jazz.

You got many young minds with a lot to say. All this paint and the subway's gray. And soon their efforts, they're buffed away by the monster machines of the MTA. Get up, stop. The body rock. I was maxing hard with a friend of mine. He's down by law and a rock your mind. We call him Fat Bob Freddy. Freddy B. You know he rocks the mic to the highest degree. To the funky beat, to the funky beat. Funky beat, I freak. The idea is to let you know that graffiti is rocking and it's on the go. And there's a lot more to it if you check into it. But the problem is you probably just can't do it. The beat. Let's get to it. The idea is to let you know. The idea is to let you know that graffiti is rocking and it's on the go. And there's a lot more to it if you check into it. But the problem is you probably just can't do it. Let's get to it. F-U-T-U-R-A. Hey! Futura is what I spray. New York City, rock the house. And graffiti, rock shock the house now. Front gallery. Don't stop. To the beat. Do it live, rock on. The idea is to let you know that graffiti is rocking and it's on the go. And there's a lot more to it if you check into it. But the problem is you probably just can't do it. You don't stop. You're not through with it, right? The body rock. That pop is in the house. No lie, this is not the wax. You see the flash, you're rocking the house. Say thanks a lot, shock shock the house. F-U-T-U-R-A, hey. And you know that Futura is what I spray for hot. Whoa! go, go. Thank you. charging power battery. Welcome aboard the largest ship in making. Diddy, who jumps a cotty? Oh. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, who jump a lago? Tick, tick, tick, tick, tick, the task of palaku. A puddle's here, we'll jump right in. Now catch a raindrop and turn and spin. Tick, tick. particulier le fait de lire un livre, crime devenu inexistant dans nos pays surdéveloppés, et frappé là-bas de la même peine capitale. Détroit-sur-Mer, septième jour d'émeute. Après les 110 morts d'aujourd'hui et les 96 d'hier, les 65 du premier jour sont bien peu de choses. Telles sont les paroles prononcées avec enthousiasme par Phil Jackson, le maire de Détroit, devant les caméras de nos confrères de la TVN. On se souvient que cet incident qui aujourd'hui passionne l'Amérique avait commencé par un simple fait divers. Un enfant blanc, le petit Ahmed Smith Ben Carson, avait peint un Christ en noir. On connaît la suite. Dans l'affaire des frères Siamois, nouveau rebondissement. Paul affirme que c'est en voulant se suicider qu'il a pris son frère Pierre pour lui-même et de ce fait s'est cru en état de légitime défense. Affaire à suivre. Dieu, encore lui, est apparu à 120 000 personnes. Cette fois, c'est à Le Bourgneuf, un petit village du nord de la France. Le curé, le père Paul Vin, qui lui n'a rien vu, a déclaré « Nous avons battu New City et nous en battrons d'autres ». On se souvient qu'il y a 15 jours, Dieu, encore lui, était apparu à New City à 80 000 personnes. L'horoscope de Radio Nuit, dans la semaine qui suit, c'est-à-dire du 1er au 15, tous les hommes dont le nom commence par un P, ou par un B, je vous prie de m'excuser, il y a une faute de frappe, perdront leur situation. C'était l'horoscope de Radio Nuit, l'horoscope qui n'a jamais menti. Je vous rappelle que la lettre choisie l'a été par Ordinette. Ne dites plus ordinateur, dites Ordinette. C'était une publicité Ordinette. De Lausanne sur Terre, la loi d'urgence a été proclamée. Désormais, les cafés et bars devront rester ouverts toute la nuit, une fois par mois. Le Premier ministre a été ferme, l'augmentation alarmante du taux de suicide sera enrayée, a-t-il affirmé. Ce jour obligatoire de fête devra être suivi par la population à 100%. La police sera présente pour faire appliquer et respecter la loi, et s'il le faut, nous emploierons l'armée. Le Premier ministre a été très applaudi. Le prix Nobel de la paix vient d'être décerné au professeur Kulio, le célèbre chimiste japonais, pour son livre « On n'arrête pas la science, c'est la science qui s'arrête ». Le professeur Kulio, avant d'être couronné comme écrivain de la paix, avait déjà connu la célébrité. Avec le professeur français Charlot et le professeur italien Cado, il fait partie de ce trio célèbre que les journaux ont baptisé les 3C. Parmi leurs nombreuses découvertes, chacun se souvient de ce procédé miracle pour changer le sable en goudron qui fit leur renommée. Procédé sur le chemin d'être adopté par le monde entier. L'horoscope de Radio Nuit pour demain et pour le siècle qui suit, tous les enfants dont le nom commence par Z et tous ceux dont le nom ne commence pas par Z seront punis. C'était l'horoscope de Radio Nuit, l'horoscope qui n'a jamais menti. Je vous rappelle que la lettre choisie l'a été par Ordinette. Ne dites plus ordinateur, dites Ordinette. C'était une publicité Ordinette. De Chine, d'après des rumeurs non confirmées, la voisine de Madame Chang attendrait un heureux événement. Pékin a démenti. Et pour terminer ce journal, la météo, demain et pour les 100 000 ans qui vont suivre, entre deux pluies, le ciel sera couvert, nuageux et gris, sur l'ensemble de la Terre. Radio Nuit, bonne nuit. rubber man. Why you do that? Hustle, hustle in the right way. I think you my brother, so yeah. Hustle, hustle in the right way. I think you my brother. Ooh yeah, it's the truth. You have to bow to truth. Der schmilzt gar zart und duftet sei vorweggenommen, zum Genuss ist nicht gekommen. Das gute Stück in Sommersitze rutschte unter die Fahrzeugsitze. Nun darf es für alle Zeiten als Duftbaum sein. Cette année, petite virée, avec les copains. Der Käse war also entwischt, doch die Kumpels hatten aufgetischt. Schokolade, Charlois, Fritten, Toasterbier, wir wurden richtig heimisch hier. Und so ging es bis früh um 8, als der Chef einen weiteren Fromage brachte. Cette année, petite virée avec les copains. Ah, ah, ah, c'est qu'on est bien en vacances. Ah, ah, c'est qu'on est bien en vacances. Pas d'Italie ou pas de France. Cette année, petite virée avec les copains. t'es pas qu'à grandir, mais la population qu'a augmenté. Pas ni moyen marché à Fort-de-France, c'est embouteillage. Solution idéale, c'est le planning familial. Dans tout quartier matnique, les médecins, Kabamoun, ville. La t'es pas qu'a grandi, mais la population qu'a augmenté. Pas ni moyen marché à Pointe-à-Pitre, c'est embouteillage. Solution idéale, c'est le planning familial. Dans tout quartier Guadeloupe, les médecins, Kabamoun, Pilil. Au cinéma, pas oublier, porter pilulou. En sac l'école, mesdemoiselles, cachez vos pilules. À dans sa caméon, anti-webiou. Le soir au coucher, mettez une madame botette. À dans sa caméon, anti-webiou. Le soir au coucher, mettez une madame botette. Quant à ces jeunes filles, yo trouvé ça très amusant. Puisque pour ni pilule, pas besoin porter prescription. Coupé rouler doudou, à présent pas ni danger. Depuis on y pilule, c'est pas riche pour te récolter. Quant à ces jeunes filles, yo trouvé ça très amusant. Puisque pour ni pilule, pas besoin porter prescription. Coupé rouler doudou, à présent pas ni danger. Depuis on y pilule, pas besoin porter prescription. Au cinéma, pas oublier porter pilulou. En sac l'école, mesdemoiselles, cachez vos pilules. À dans sa caméon, anti-webuou. Le soir au coucher, mettez une madame botette. À dans sa caméon, anti-webuou. Le soir au coucher, mettez une madame botette. Mais ni Adam, maman, qui bien content bagaille ta la. Puisque yo pe voye yishio Adam, tout pal va kabon. Mais avant y parti, yo ka di, amuse-toi bien. N'oublie surtout pas d'apporter ta boîte de pilule. Mais ni Adam, maman, qui bien content bagaille ta la. Puisque yo pe voye yishio Adam, tout pal va kabon. Mais avant une partie, yo ka di, amuse-toi bien. N'oublie surtout pas d'apporter ta boîte de pilule. Au cinéma, pas oublier porter pilulou. En sac l'école, mesdemoiselles, cachez vos pilules. À dans sa caméon, anti-web bureau. Le soir au coucher, mettez une madame botette. À dans sa caméon, anti-web bureau. Le soir au coucher, mettez une madame botette.

hot shot gambler looking for blood. Allons-y les petits bolides, les rois de la vitesse. Saint Francis Street, Electron Woman. Jukebop baby, playing number four. Avenging angel, defeating the poor. Jukebop baby, jukebop baby. Jukebop baby, jukebop baby. Jukebop baby, jukebop baby. Picking them shrooms, we don't even need more than one room. If you come knocking on my cabin, and I'm not there, just let yourself in. Come on now. Used to live in the city, had to get outside. I couldn't stand it no more, I had to get outside. I came out here, I never went back. Now, hey woman, it's all that I lack. I live in the forest, too fierce for the town. I need a woman with both feet on the ground. So if you make potatoes, way you like none, come live with me, baby, come live with me, baby. Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral? Est-ce Leibniz ou bien Newton, ou bien est-ce que c'est moi qui déconne? Voudrais-tu, mon amour, intégrer des équations nuit et jour? Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape, c'est les courbatures? Moi j'en ai eu quand j'étais tout gamin, en trayant des vaches pour la Saint-Valentin. Il y en avait une qui avait une bonne tête, elle était mignonne, on l'appelait Chipette. Oh tell me, dis-moi, do you know that beast? Connais-tu le général? Who discovered? Qui inventa? Integral calculus. Le calcul intégral. Le général Cambronne, je crois que ce qu'il a trouvé, c'est pas tout à fait ça. Pénélope, quand tu lis ses parties, tout ce qu'elle savait, c'est faire tapisserie, la pauvre. L'homme des neiges, c'est pareil, il a du fond au soleil. Est-ce Astérix, soit plus Mégalix, pendant que vous y êtes, pourquoi pas Évarix? Évarix le Gaulois! Non, c'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé le calculateur! Quand je t'ai vu sur ton balcon, tu m'as dit intègre et ne fais balcon. Mais dis-moi, tell me, connais-tu l'animal? Do you know that beast? Qui est Varda? Who discovered? Les campagnes électorales. Integral calculus. Sais-tu quels furent les premiers porte-clés? Ben tout simplement, les bourgeois de Calais. Ce que je pense d'Antoine et de Jacques Dutronc, ça commence par C, ça finit par on. 700 millions de yéyés à travers le monde entier. Ça ne fait jamais tout bien compter qu'un 1 400 000 000 de pieds. Qu'il vaut mieux mettre un point final, sinon ça pourrait finir encore plus mal. Oh yeah! Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow, and then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm, where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, ha-ha! You thought it was a joke, and so you laughed. You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed and laughed, and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away. I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Ha? Well, you just wait, they'll find you yet, and when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm, where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, ha-ha, to the happy home with trees and flowers and chirping birds. It's a money world, it's a money world, it's a money world, it's a money world. You need quarter, you need dollar. It takes money to survive. To survive. It's a money world. It's a money world. Am I right? Am I right? Money pays the rent. Money is quickly spent. Money it keeps the crackle bright. It's a money world. Yeah, am I right? Money wets the whistle. Money opens the door. Money can build a money can build a whistle. Money closes the door. It's a money world. It's a money world. It's a money world. Money greases the palm. Money occupies the mind. Money can buy his soul. Money is on his mind. It's a money world. I wish there was no such thing as money. Do you know what I mean? It's a money world. Am I right? Am I right? Money talks. Money swears. Money builds airplanes. Money builds things. Money's what everybody fights. It's a money world. Money's craziness. It's all terrible. It's a money world. It destroys people's minds. It's a money world. Am I right? It's a money world. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money Insta m'éclater, la tête est embrouillée, les affaires éparpillées. Le secret pour bien réussir sa journée, c'est de venir à cet état de bonne humeur. Débordé, assommé, fatigué. Espagnol et saint français, je suis déjà échec et mal. Le secret pour bien réussir sa journée, c'est de venir à cet état de bonne humeur. J'ai l'estomac en colimaçon. Je mange un steak entre deux stress à la vitesse de l'Orient Express. À midi, ding, ding, dong. J'ai l'estomac en colimaçon. Je mange un steak entre deux stress à la vitesse de l'Orient Express. Réussir sa journée, c'est venir à cet état de bonne humeur. Le secret pour bien réussir sa journée, c'est venir à cet état de bonne humeur. Quel bonheur! Se portera sur ton cœur. et de m'éteindre comme un vieux mégot. Mon tout dernier regard se portera sur tes fesses, où je cachais chaque nuit le plus précieux de mon magot. Je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours aimé. De la nuit, le ciel m'offre son abri, et je pense à Jésus-Christ, celui qui a dit, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, le monde est bon, tout le monde il est gentil, le monde est bon. We'll be right back. ciel calme, l'avion par-dessus les toits verse son napalm sur le peuple indochinois. Quand c'est la fringale, lorsqu'en place d'aliments, les feux du Bengale cuisent les petits enfants. Dans la tiédeur de la nuit, la prière est mon appui, car je pense à Jésus-Christ. Ça jordanise quand le pauvre fédayen copie par bêtise la prose à Monsieur Jourdain. Quand le mercenaire ne songe qu'à vivre en paix et se désaltère avec un demi-biafrais. Dans la fraîcheur de la nuit, je me sens tout attendri en pensant à Jésus-Christ. Celui alcoolique et ma mère l'aide à boire. J'ai une frangine qui se pique, une autre qui fait le trottoir. Quand je rentre de l'école, ils sont tous défoncés et ils me filent des torgnoles comme ça pour se défouler. Je suis tout bleu, j'ai des coquards aux yeux. Pour l'instant, je ne dis rien, mais je n'en pense pas, moi. J'ai mon plan et plus tard, lorsque je serai grand, je deviendrai CRS et je pourrai tous leur entrer dedans. Le samedi et le dimanche, histoire de m'occuper, ils me font faire la manche aux terrasses des cafés. Si je rapporte pas assez, le soir, qu'est-ce que j'entends? Ils me traitent de taré en me shootant dans les dents. J'en ai marre, je suis tout bleu, j'ai des coquards aux yeux. Pour l'instant, je ne dis rien, mais je n'en pense pas, moi. J'ai mon plan, et plus tard, lorsque je serai grand, je deviendrai CRS. Et je pourrais tous leur rentrer dedans. Il a chaud bibi, chaud bibi, il a chaud partout bibi, chaud bibi, chaud bibi, chaud du zizi jusqu'aux fesses, chaud bibi, car il est dans le chaud bibi, chaud bibi, chaud bibi, chaud business. Il a chaud bibi, il a chaud partout bibi, chaud bibi, chaud bibi, chaud du zizi jusqu'aux fesses, chaud bibi, car il est dans le chaud bibi, chaud bibi, chaud bibi, chaud business. Quand on est dans le show business, on n'en sort plus jamais, on n'en sort jamais plus. Amour, passion, malheur, ivresse, on fait toujours semblant, on est toujours focus. Oh, bravo Coco, t'étais super, hein, c'était fantastique le spectacle, vraiment formidable. On a passé une soirée terrible. Il a chaud bibi, il a chaud partout bibi, chaud bibi, chaud bibi, chaud du zizi jusqu'aux fesses, chaud bibi, car il est dans le chaud bibi, chaud bibi, chaud business. Il a chaud bibi, il a chaud partout bibi, chaud bibi, chaud bibi, chaud du zizi jusqu'aux fesses, chaud bibi, car il est dans le chaud bibi, chaud bibi, chaud business. Quand on est dans le show business, on n'a pas de pudeur, on tapine et c'est tout. On vend sa tête, on vend ses fesses, tout le monde il est beau, il veut avoir des sous. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ouais d'accord, il y a de chouettes trucs, mais en province ils se ramassent avec ça, c'est sûr. Vive le show bibi, vive le show bibi, show bibi, show business. Montrons nos têtes et nos fesses, notre vie, c'est le show bibi, show bibi, show bibi, show business. Vive le showbibi, showbibi, showbibi, show business. Montrons nos têtes et nos fesses, notre vie, c'est le showbibi, showbibi, showbibi, show business. Vive le showbibi, showbibi, showbibi, show business. Montrons nos têtes et nos fesses, notre vie, c'est le showbibi, showbibi, showbibi, show business. Vive le showbibi, showbibi, vive le showbibi, showbibi, showbibi, show business. Montrons nos têtes et nos fesses, notre vie, c'est le showbibi, showbibi, showbibi, show business. C'est comme un fou, comme ça pendant toute la nuit. J'ai pas résisté, elles m'ont dit tu vas craquer. Une fois arrivé, elles ne s'étaient pas trompées. J'ai jamais vu ça moi, une villa comme ça. J'ai jamais vu ça moi, une vie comme ça. Et j'ai dansé, je me suis défoncé comme un rocker en gobelé. Oui mais sans arrêt, je regardais cette beauté. Elle me souriait, je n'arrivais pas à parler. Plus elle est sortie, alors là je l'ai suivi. J'avais l'air de quoi là, face à une fille comme ça. J'avais l'air de quoi là, à rougir comme ça. Yeah. Les 11 heures, mal au cœur, mal dormi, envie de pipi. Déjeuner, mon café, la radio. Trop c'est trop, fait pas beau, ouais, fait pas chaud. Me laver, me raser, m'habiller, me peigner, mes cheveux, bien coiffés. Ouais, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les deux heures, ah, ah, ah, ah, je suis chômeur. Dans mon cœur, il y a plein de douleurs. Ouais, juste après, je m'en vais. Un café, d'à côté. Ouais, il y a des filles, et il y a des flippers. Ouais, les 20 heures. Me donne du bâton. Canasson. poème traite de trou de cul. T'en aurais eu aussi, y'en a plus. Et eh ben ça y'en a plus. Et ah, ça y'en a pas non plus. Et ah, ça alors y'en a jamais eu. Et peut-être demain y'en aura, mais. Et oh non, non. Non, pas ça non. Ça non, non, non. Non. Sois pas si pressé, aujourd'hui y'en a pas, y'en a plus. Y'en a plus. Y'en a plus, je te dis. Ça, je t'ai dit, y'en aura jamais. Mais non, tu te crois que là. Ça, non. Oh. Eh ben ça encore moins alors. Ça y'en aura, y'en a pas, y'en a plus. Y'en a plus. Si y'en a plus, y'en a plus. Y'en avait, y'en a plus. Mon copain, il en avait tout à l'heure, mais. Y'en a plus, je te dis, y'en a plus. Si y'en avait, je t'en donnerai, mais si j'en ai pas. Wananene, oh wananana, oh wananene, oh wananana, oh wananene, oh wananana, oh wananene, oh wananana. Son nez. Il a même fait une boulette qu'il a jetée au-dessus de sa tête. Tous les anges ont dégueulé, c'est comme ça que la terre est née. Y'a rien de pire que l'ignorance, on s'instruit pendant qu'on danse. Cucu, la praline, caca, chocolat. Cucu, la praline, caca, chocolat. Chocolat, chocolat, chocolat. L'estomac des ruminants a quatre compartiments, dont attention au contrôleur, celui qui fume dans la panse aura une contredanse. Y'a rien de pire que l'ignorance, on s'instruit pendant qu'on danse. chocolat, chocolat, chocolat, chocolat. La femme est l'avenir de l'homme, dit le poète quand il déconne. La femme est l'avenir de l'homme, qu'on chante pour flatter la conne. Rien n'est l'avenir de personne, son plastique ou qui consomme. Y'a rien de pire que l'ignorance, on s'instruit pour la condense. Cucu, la praline, caca, chocolat. Cucu, la praline, caca, chocolat. Chocolat, chocolat, chocolat. Entre la bouche et l'anus, relié par un boyau, 60 cm pas plus de distance à vol d'oiseau. Et quand on se roule un patin, la langue est dans l'intestin. Y'a rien de pire que l'ignorance, on s'instruit pour la prudence. Cucu, la praline, caca, chocolat. Cucu, la praline, caca, chocolat. Chocolat, chocolat, chocolat. On s'allonge sur la couche, on se tire une balle dans la bouche. Mais avant de l'avaler, faut surtout bien la mâcher. Si on veut la digérer, y'a rien de pire que l'ignorance, on s'instruit par la prudence. Cucu, la praline, caca, chocolat. Cucu, la praline, caca, chocolat. Chocolat, chocolat, chocolat. Avec dedans du caviar est beaucoup plus supportable qu'avec de l'eau non potable. Souvent par timidité, le client n'ose pas demander. Y'a rien de pire que l'ignorance, on s'instruit par la prudence. Cucu, la praline, caca, chocolat. Cucu, la praline, caca, chocolat. Chocolat, chocolat, chocolat, chocolat. Ah putain, qu'est-ce qu'il est con, le professeur Choron. Qu'est-ce que tu dis? T'es avec deux filles terribles, là. Oh, tu charries. Une blonde avec une queue de cheval et une routine. Une japonaise. Oh, sacré Sacha. Oh, je te reconnais bien, là. Toute la nuit, oh, oh, y en a une pour moi, hein. Je prends la bagnole et j'arrive, oui, mais dis-moi juste où tu es, Sacha. Non, j'arrive dans 10 minutes, quoi. Mais dis-moi où vous êtes, quoi. Tu me fais languir, là. Mais je te dis que je suis prêt. Quoi, elle a un petit bitsy bitsy. Oh, oh, mais c'est tout à fait mon genre. Mais dis-moi où tu es, Sacha. Tu perds du temps, là. Puis parle plus fort, j'entends rien. Oh, oh, qu'est-ce qu'il y a comme pétard, là. Où tu te trouves? Ah, c'est le jukebox, oh. Vous êtes dans un bistrot, où ça, Sacha? Mais écoute-moi, bon sang, où est-ce que je m'en trouve, Sacha? Articule, la rue, le nom de la rue. J'ai pas compris le nom de la rue. Sacha, Sacha. Oh, oh, oh, oh, la vache, il a accroché. Thank you. quelqu'un veut chanter. Prochain morceau, on a un instru rythmique et on aimerait bien que quelqu'un chante. Mais tranquille quoi, pour les voisins. Est-ce que quelqu'un veut chanter? Sinon c'est moi et Mathieu qui allons le faire. Donc. S'il vous plaît. Elisabeth. Juliette, pardon. Est-ce que quelqu'un peut venir, s'il vous plaît? Ça fait partie du projet, en fait, de Encore Heureux. Il faudrait quelqu'un pour venir chanter, on va mettre un rythme. Allez. Est-ce que quelqu'un peut venir chanter? Elisabeth, merci. Voilà. Je précise que le micro a été désinfecté. Panerino lecce rase e ninna nanna nina nanna nina nina nina e ninna nanna nina nanna nina nina nina nina nina nina na ninna nana nina nina nina na ninna nana e voilà linda chi arriva cette fois e voilà linda chi arriva cette fois. Linda chi nunuri, linda chi nunuri, se tua è l'ari. Linda chi nunuri, fo ripete, chi nunuri, linda chi nunuri, se tua è l'ari. E ninna nanna nina nanna nina nina nina, e ninna nanna nina nanna nina nina nina, nina nina nina na ninna nana. Nina nina nina na nina na na. Ici Salvador Dalí, nommé par un anagramme par André Breton, A Vida d'Homme. Lequel anagramme avait été fait avec une petite mauvaise intention, croyant me gêner. Au contraire, c'était le mot magique qui a fait que depuis ce moment, les dollars n'ont plus sur ma tête comme une véritable divine diarrhée. Ce qui fait que depuis, je m'endors chaque nuit de plus en plus entouré de satisfaction parce qu'il n'y a rien au monde qui me procure autant de satisfaction que sentir cette pluie monotone et divine de dollars. Mais il y a une autre côté qui amusera tous les gens qui m'écoutent, c'est que justement, Auguste Comte, le grand philosophe français, au moment d'inventer sa nouvelle religion positiviste, il avait dit, avant de commencer cette religion, il faut que nous comptons avec les banquiers. Alors ça, c'est une chose apothéosique et qui prouve que sans banquiers, il n'y a même pas de religion. Tout le Moyen-Âge a été basé sur la transmutation de la matière vile en or, puisque l'unique façon de spiritualiser la matière. Mathieu, Franck, Pinode et tout le monde, merci. Et rendez-vous demain 11h sur Dragster Radio. Merci beaucoup. Et on clôture dans un quart d'heure et on se retrouve à l'intérieur. Voilà. Encore, s'il vous plaît. c'est qu'il a dans le dos. C'est bientôt la fin, un peu. Avant la fin, il faut. Qu'est-ce que je pense les filles. What? Eh? On a encore 5 minutes. C'est un travail de professionnel, mais. Chanté. Oui. Pouvez joli. Ah. Yeah. Allons-y les petits bolides, les rois de la vitesse. Prenez vos tickets à la caisse, qui n'a pas gagné va gagner. Dilan du ding dang ding dang dang, dilan di dong dang ding dang dong, dilan di dong dang ding dang dang, dilan di dong dang dang. Tapa tapa tapa tout dit, tapa tout dit à ta doudou, ta dédou, dédi, dit pas tout, et qui c'est qui l'a dans le dos, toi. Tapa tapa tapa tout dit, tapa tout dit à ta doudou, ta dédou, dédi, dit pas tout, et c'est toi qui l'a dans le dos. Qui a dit je bouffe que du caviar, c'est des petits œufs, je les mange à la coque, je les fous en l'air quand ils sont trop noirs, et j'en achète d'autres. Ben, si t'avais été moins vantard, t'aurais dit je bouffe que des pommes de terre, et le soir s'il fait du ventard, je prends un bol d'air. Tapa tapa tapa tout dit, tapa tout dit à ta doudou, t'as des doutes et t'es dit pas tout, et qui c'est qui l'a dans l'eau, toi. Tapa tapa tapa tout dit, tapa tout dit à ta doudou, t'as des doutes et t'es dit pas tout, et c'est toi qui l'a dans l'eau. Qui a dit mon papa l'est riche, il a des dents d'or, il met des cravates, ma maman met des plumes d'Autriche et s'épile les pattes. Enfin, si t'avais été plus modeste, t'aurais dit que ta mère elle est modiste et que ton papa l'empeste parce qu'il est lampiste. Tapa tapa tapa tout dit, tapa tout dit à ta doudou.